Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans Feu de camp. Ce premier épisode de l'année, un peu tardif certes, donne à réfléchir sur ces derniers mois écoulés. Le Covid-19 a permis de mettre en lumière certaines problématiques de la société actuelle, comme l'hypermobilité des humains, qui a fortement contribué à la propagation du virus. Et si les humains se déplaçaient moins, moins loin, moins vite, les gens en seraient-ils pour autant plus malheureux? Je suis la première à promouvoir le voyage et ses bienfaits sur l'esprit, la conscience de soi et celle des autres. Mais a-t-on besoin d'aller si loin pour découvrir de nouvelles choses, vivre des expériences incroyables? A-t-on vraiment besoin d'aller à l'autre bout du monde en quelques heures pour y rester seulement quelques jours? La question se pose. Il me semble qu'il devient important de prendre le temps et de se rapprocher à nouveau des choses plus essentielles, qui entre parenthèses me semblent bien différentes de celles décrites par les gouvernements. Pourquoi ne pas faire du trajet un voyage en lui-même, en mettant de côté de temps en temps l'avion si rapide au bénéfice de moyens de transport plus lents? Pourquoi ne pas s'intéresser aux contrées plus proches des lieux dans lesquels nous vivons et qu'au final on ne connaît peut-être pas si bien, aux gens qui sont nos voisins et à qui on n'a jamais parlé? Notre voyageur du jour s'appelle Étienne. Il y a 10 ans maintenant, il est parti en voyage dans les Pyrénées, avec 3 amis, dont certains que vous reconnaîtrez peut-être. C'est un voyage initiatique en pleine nature, à la recherche de liberté qu'il nous raconte là, de l'essentiel, le vrai cette fois, un retour aux sources qui les changera à jamais. Je le laisse vous en dire plus. Bonjour à tous, je m'appelle Étienne et j'ai 28 ans. Et voilà, je suis animateur dans la vie pour enfants. Et j'ai toujours eu une grande passion pour le voyage et pour la route de façon générale, comme on aime appeler ce genre de voyage. On en a toujours fait avec mes parents et ma sœur en vacances. On partait souvent à Noirmoutier à l'océan et on allait de temps en temps dans des coins un peu plus perdus en France, les gorges du Tarn, des coins un peu moins touristiques. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, les coins où il y avait moins de monde et on pouvait plus prendre le temps. Et puis, quand j'ai eu 19 ans, mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient vivre au Mexique, qu'ils partaient là-bas en tant qu'expat, et du coup, le voyage est venu un peu comme ça, de façon... On est tous un peu rentrés dedans en même temps, quand j'ai eu 18-20 ans, disons. Et surtout, le voyage est venu un peu en réponse à toutes les contraintes qu'on avait à cet âge-là, à tout ce qui était le lycée, le permis... toutes ces contraintes où on devait se lever super tôt le matin pour aller s'enfermer 40 heures par semaine dans un lycée moche avec des profs chiants et qu'on n'avait pas envie. Et tout ce qu'on voulait, nous, c'était aller à l'horizon et découvrir le monde, découvrir la vie, quoi. Alors, le voyage dont on va parler, c'est le voyage qu'on a fait dans le Pays Basque. On est parti avec 4 compères. Il y avait d'abord Léo, c'était un de mes plus grands amis d'enfance. On a grandi ensemble, on était au lycée ensemble et on a toujours juste envie de partir et de voyager dès qu'on a eu 16 ans, quoi. Il y avait aussi Maxime, avec qui j'ai grandi aussi, qu'on se connaît depuis toujours. Et le dernier, c'était Grégoire. C'était un copain de Léo qui venait d'une école de cinéma à Paris, à Troyes. Et ensemble, ils ont appris à faire des films et tout ça, et c'est pour ça qu'ils ont nourri et ils ont continué de nourrir cette ambition de voyage là-haut, à Paris, pendant que nous, avec Maxime, on la nourrissait plus à Lyon ou dans nos études respectives. Et voilà, on est partis tous les quatre, et c'était notre deuxième année, parce que l'année d'avant, on était partis déjà dans le Jura, sur les rives du lac de Vouglans. Et ça avait été ouais, une vraie révélation pour nous, parce qu'on avait quoi? On avait 19 ans. Et on prenait nos sacs à dos, on prenait nos hamacs, et enfin, c'était la vraie liberté, quoi. On savait même pas ce qu'on allait faire. On est resté posé au bord du lac 3 jours à regarder le soleil se lever et se coucher, en nourrissant l'ambition d'un jour de traverser le lac. Et ce qu'on a fait à la fin du voyage, on a chopé des palettes, on a mis des rondins de bois dessous, et on a traversé le lac à la nage en traînant nos sacs comme ça. Et c'était un des meilleurs souvenirs de voyage, ça. Et donc, l'année d'après, on s'est dit, bah, rebelote, on repart tous les quatre, on va aller plus loin dans l'idéologie et plus loin géographiquement aussi, parce qu'on a dû traverser une bonne partie de l'Hexagone pour aller côté Pays Basque, alors que nous, on vient du Beaujolais, donc le Jura, c'est pas très loin, c'est 1 heure de route, 2 heures de route. C'est des coins qu'on connaissait déjà, alors que là, on avait vraiment le sentiment de couper les ponts, quoi. On partait pas en Australie, mais dans notre tête, c'était tout comme, quoi. On n'a pas vraiment eu d'organisation, on a juste réservé un billet de train pour aller à Marseille et pour faire Marseille-Bayonne. Et après, au niveau de l'organisation, on était très, très dans le matériel, on voulait du bon matériel. Donc on s'est tous acheté les hamacs. C'était rigolo, on avait tous les mêmes hamacs. On avait notre sac à dos, des trousses de survie, ce genre de choses, des gourdes. Enfin, tout ce qu'il faut pour partir en randonnée itinérante comme ça. Et ouais, on avait vraiment privilégié le hamac, parce que déjà l'année d'avant à Vouglans, on avait découvert le hamac, et c'était une révélation, parce que un hamac, c'est tout petit, ça prend pas de place, et qu'est-ce qu'on dort bien dedans, alors qu'une tente, c'est lourd, c'est chiant à monter. Et puis au final, on la transporte pour pas grand-chose, parce qu'au mois de juillet, on se prend rarement des grandes affaires de 3 jours. Donc le hamac, ça nous allait très bien, une petite bâche de sécurité quand même pour si jamais on doit dormir sous la pluie. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on avait sur nous. On est parti au mois de juillet. Un parent, je pense que ça devait être le père de Léo, qui nous emmène à la gare de Lyon-Part-Dieu. Donc un endroit qu'on apprécie particulièrement. Les villes en général, mais particulièrement les centres-villes et la gare de Part-Dieu, c'est vraiment un endroit très très oppressant qu'on déteste par-dessus tout. Et on partait de là-bas, donc c'était pas le meilleur départ. Mais pourtant, c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de filmer. Ce qui était rigolo dans ce voyage, c'est que c'était Léo et Greg, qui étaient du coup en études de cinéma. Eux, ils tenaient vraiment à faire un film de ce voyage, quoi. On ne savait pas encore comment, ils avaient très peu d'expérience, ils savaient juste cadrer et monter un minimum, mais on avait cette envie-là de se mettre en scène et de montrer notre voyage. Parfois, pour Maxime et moi, c'était un peu pesant, parce que des fois, quand on a marché 3 heures, on met son sac sur le dos, et il y a Léo et Greg qui arrivent, « Non, non, s'il te plaît, tu peux le redescendre et le remettre pour que je te filme d'un cadre différent. » Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, juste pour une vidéo, enfin... Au début, ça peut être gonflant, quoi. Et au final, merci à eux, quoi, parce que c'est comme ça qu'on a les meilleurs souvenirs, c'est comme ça qu'on s'en rappelle, c'est grâce aux films qu'ils ont fait. Donc on a commencé à filmer dans ce train qui nous emmenait jusqu'à Marseille, et on a fait notre mot de départ un peu face caméra avec une Grimbergen et un sandwich. Après on est arrivé à Marseille, et puis on a pris un train de nuit, chose que moi personnellement j'avais jamais faite. On sera plus dans ce train avec tous ces gens. 13h, on sera en pleine forêt à 4. Ah ouais? En pleine forêt. C'est l'âge que je pense qu'on en aura plus long à dire. Ticket de la liberté et le train de la liberté. Comme un voyage qui va être inoubliable. On peut souhaiter bonne nuit alors. Et dans ce train de nuit, on a commencé vraiment le voyage, parce qu'on a commencé à s'arrêter, à fumer des cigarettes avec des passagers, à discuter, à rencontrer d'autres personnes. Ça peut paraître très bête en fait pour quelqu'un qui prend le train souvent, mais Nous, on avait 20 ans et discuter avec des inconnus, on savait pas trop ce que c'était, quoi. Et là, on a commencé vraiment à apprécier le voyage et on a dormi comme on a pu sur un siège. Et arrivé à Bayonne, ouais, ça y est, là, on était là où on voulait être. Pas encore dans la forêt, mais déjà, on était loin de chez nous et il y avait que nous pour décider et personne pouvait nous dire non ou ça, c'est pas possible ou tu dois rentrer réviser ou tout ce qu'on entend au cours de l'année, quoi. En fait, on voulait aller en Espagne. Donc, pour aller en Espagne, on a pris encore un dernier train qui nous a emmenés jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est une ville emblématique. Nous, on le découvrira plus tard, parce qu'on va faire les chemins de Compostelle. Et Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est la dernière ville avant l'Espagne. C'est là où on passe le col et on arrive à Roncesvalles en Espagne. Mais à ce moment-là, nous, on ne connaissait pas tout ça. On s'en foutait complètement, on n'avait pas idée de la symbolique de ces endroits. Donc on est juste arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, on a fait un petit tour de la ville, c'est magnifique d'ailleurs. Et ensuite on a vu une rivière, on a suivi la rivière. On s'est dit, en fait on n'était vraiment pas dans une démarche où on voulait faire un chemin, on voulait juste aller dans les bois et suivre notre instinct en fait. Donc on a suivi cette rivière qui s'appelle, je dirais la Nièvre, je dirais peut-être une bêtise. Et on l'a suivi jusqu'à ce que le soleil se couche. Et là, on a fait notre premier bivouac. Et là, à ce moment-là, ouais, on a soufflé parce que vraiment, le voyage débutait. On était tous les quatre au milieu des bois. On s'est fait une boîte de cassoulet ou de lentilles. Et voilà, c'était le bonheur, quoi. Pour ce voyage, comme je l'ai dit, on suivait pas de chemin. On savait pas où on allait. On avait juste des cartes IGN. Très, très précise, très détaillée, et on s'est dit, sur la carte, on a vu un lac qui s'appelait le lac d'Irabia, et on a vu que c'était côté espagnol. Donc nous, on voulait aller en Espagne, du coup, on a dit, on va aller voir ce lac et tout, ce sera sympa. Et en fait, on n'a pas cherché à prendre un chemin, on s'est dit, c'est un peu peut-être résumé grossièrement, mais on s'est dit, le lac est au sud, on va au sud, quoi. Donc le lendemain de cette première nuit, on a marché un peu le long d'une route. Et puis, on s'est rendu compte que la route allait nous faire un détour où ça ne nous plaisait pas. Du coup, on a attaqué la montagne, franco, quoi. On est parti sur la montagne tout droit. On est monté en ligne droite dans les bois, au milieu des feuilles et des arbres. Et ça montait peut-être à 16-20%. Et on montait tout droit, quoi, sans faire de S, rien du tout. On grimpait la montagne. On voulait juste aller dans la montagne pour redescendre côté espagnol, aller voir notre lac. Et ouais, cette première montée, on a dû la faire bien sûr au meilleur moment, en plein après-midi, où il faisait 35-40 degrés. Et on l'a fait, mais on est arrivé en haut à bout de force, parce que sur notre dos, on n'était pas encore expert en randonnée et en matériel de camping. On n'avait pas beaucoup de moyens aussi, du coup. On avait des sacs de 18 kilos chacun, avec des boîtes de conserve, avec des bières, avec des litres d'eau évidemment, des duvets super lourds. Donc ouais, 18 kilos sur le dos, plus on trimballait aussi une enceinte. Enfin à l'époque c'était pas une enceinte, c'était un lecteur de CD compact qui marchait avec des grosses piles. Et on avait un sac à dos en plus juste pour ce poste, juste pour pouvoir écouter quelques chansons de la rue qui était à nous le soir. Et du coup on grimpait avec ça et je me souviens, on se parlait pas mais c'était horriblement dur. Je me souviens juste, je l'ai pas vu en direct, je me souviens juste de Léo qui à bout de force, il vomit en pleine ascension. Et par contre, l'arrivée au sommet, quand on arrive là-haut, c'était un tout petit sommet, c'était le sommet de Mendials. C'était une toute petite montagne, enfin, pour les Pyrénées. Et ouais, on était déjà très fiers de nous et on se sentait perdu en fait. C'est ce qu'on voulait, être perdu, quoi. Il n'y avait plus de chemin, on voyait plus aucune ville, on voyait que les bois et la vallée, quoi. L'ami Pavel a eu l'ingénieuse idée d'attaquer une côte de 30% sur quasiment 700 mètres de dénivelé. Je ne suis pas expérimenté en marche, c'était très dur. J'ai eu vomi pendant l'effort de l'ascension, vomi à la moitié. Vomi d'effort, c'est bien rare que ça arrive. C'était très dur. En fait, on avait 18 kilos sur le dos, chacun. Et chaque pas, j'avais l'impression que c'était le dernier. Et à chaque fois, je renouvelais l'effort. Et en fait, quand on renouvelle l'effort comme ça tout le temps, et bah, dans le mental, ça pèse. Et au bout d'un moment, tu deviens fou. Quoi. Tu te dis que tu n'y arriveras pas. Je crois que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. J'arrivais plus à avancer vraiment. C'était très très dur. On est fiers de ce qu'on a fait. Et on oublie les souffrances. Parce que c'est tellement beau que la souffrance passe derrière tout ça. Arrivé là-haut, on a dormi, on a fait une super nuit. Ensuite, on a redescendu un peu dans une toute petite vallée avec une rivière magnifique, l'eau bleue transparente. On a pu se baigner et toujours la même démarche. On cherchait pas de chemin. On a remonté la rivière. Comme on aime dire, on faisait ça comme des bœufs, quoi, parce que ouais, on passait les cailloux, on galérait. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres en fait pendant ces jours. On allait au plus court, mais pas au plus simple. Et pareil, le lendemain, on s'est refait une petite ascension comme ça. Tout droit, on monte la montagne, pareil. Et on est arrivé du coup côté espagnol, et ça pour l'anecdote c'est vraiment... C'est rigolo parce qu'on était là-bas, on n'avait plus de réseau téléphonique et on savait même pas, peut-être même pas quelle heure il était, ou presque. Et on a croisé un chemin avec un élevage de chèvres. Et on voit quelqu'un au loin, donc Léo, je crois, et Léo et Greg, ils courent vers lui. Et il lui pose une question, on est où là? Parce qu'en fait on n'en avait aucune idée, on était complètement perdu sur notre carte. Et le gars nous répond en espagnol. Et du coup on savait qu'on était au bon endroit, du coup on a pu retrouver ce semblant de GR et redescendre tout doucement vers le lac d'Irabia. Et pour les derniers kilomètres, on s'est essayé au stop. C'est quelque chose qu'on avait quasiment jamais fait, je crois. Et vu qu'on était cassé et tout, on voulait y arriver vite parce que ça faisait déjà 3-4 jours de voyage. On a levé le pouce un peu et des gens nous ont emmenés en stop. Et on est arrivé à ce lac et ouais, c'était magnifique. On s'est dit là on va se reposer, on va pouvoir être bien. Et cette partie montagne avait quand même été assez dure parce qu'on avançait trop à l'aveuglette et on se fatiguait inutilement peut-être. Mais c'est ce qu'on voulait, et là on voulait vraiment profiter du lac pour se reposer 2-3 jours. On avait parfois ce sentiment d'être un peu trop perdu et de faire des erreurs, notamment quand on se refait l'expérience de monter 2 fois une montagne comme on l'a fait comme ça. On se dit mais on n'apprend pas de nos erreurs, c'est pas possible. On refait pareil, on se retrouve en plein cagnard à grimper une côte de 20%. Et ça nous énervait. Et on avait toujours aussi un peu cette inquiétude des bruits de la forêt ou des choses comme ça. Et cette inquiétude aussi de pas se faire attraper par la police ou par je ne sais qui, par le paysan du coin parce qu'on campe sur son terrain ou n'importe quoi. On n'avait pas encore assez d'expérience pour savoir que oui, le camping sauvage c'est quasiment interdit de partout, mais c'est jamais attrapé si on reste qu'une nuit et qu'on fout pas le bordel, y a pas de raison quoi. Et du coup, on avait cette peur-là aussi en arrivant à Irabia, de la police, parce que justement, le gars qui nous a pris en stop nous a dit « attention à la police rôde », souvent pour que les gens évitent de camper au bord du lac. Du coup, on s'était un peu éloigné au-dessus dans la forêt. Et c'était bien aussi, parce que du coup, le soir, on était dans notre campement, dans notre chez-nous, on laissait le campement en place. Et la journée, on allait au lac, on essayait de pêcher des écrevisses ou de pêcher des poissons avec des bâtons et 2 bouts de ficelle, et on prenait le temps quoi, et le soir on rentrait au campement comme si on rentrait à la maison en fait. 3 jours on est resté là-bas et on a pu faire des lessives parce que malgré tout on transpire pas mal, hein. ça sent le gnou, et du coup on a pu en profiter pour laver les vêtements et faire une très belle rencontre. C'est une des plus belles rencontres que j'ai faites en voyage, c'est Patrick. Voyager pour voir personne en fait, et rencontrer des gens, on n'y pensait même pas, et c'est arrivé comme ça par hasard grâce à Patrick quoi, parce que c'est vraiment lui qui est venu nous voir. C'était un cinquantenaire avec sa femme qui sont venus pêcher au bord du lac, et ils sont arrivés vers les copains. Moi j'étais pas là à ce moment là mais là il leur a fait une blague policière espagnole, et ouais, nous on a marché parce que on avait peur de ça. Et du coup, c'est parti sur un fou rire et c'est parti sur une super rencontre où on a discuté de tout, des problèmes de société avec un, avec un gars qui avait l'âge de nos parents, et c'était trop bien d'avoir quelqu'un ouvert d'esprit comme ça, qui, avec qui on peut discuter, on a échangé, il nous a donné 2 bouts de chocolat. C'était vachement bien. Et ouais, c'est quelque chose qu'on a découvert, et on s'est dit, mais c'est ça qui est trop bien dans le voyage. C'est en fait, tu rencontres des gens qui vont te parler de ta région, qui vont te parler de... qui vont te parler de la géographie, qui vont te parler de ce qu'ils pensent, et du coup ça te nourrit vachement de rencontrer des gens en voyage. Et ouais, Patrick, ça a été un des premiers, et on a échangé les numéros, et puis on a pu le revoir par la suite, donc c'est vraiment une très très belle rencontre et, qui a amené à d'autres voyages plus tournés vers la rencontre. Mais c'est le propre de la race humaine. On oublie beaucoup de choses, et beaucoup trop de choses qui ont très très bien marché dans les temps passés. Il y a peu de produits qui vivent très longtemps, à cause, bon, bien sûr, des raisons économiques et financières. On veut toujours inventer le plus mieux. Là, la NASA elle a développé un super stylo qui marchait sans gravité. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un stylo, il marche la tête en bas. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'air pousse le truc. Dans l'espace, il ne marchait pas. Donc ils ont inventé un super stylo avec une pression compensée, un truc énorme, des budgets pour développer ce stylo, pour pouvoir prendre des notes. En même temps, les Russes, ils ont sorti un truc mais hyper génial. C'est le crayon à papier. Non, mais c'est et en fin de compte, des fois, quand on revient à des choses toutes simples, on s'aperçoit que la fonction essentielle, elle a déjà été inventée. Le crayon à papier, il permettait d'écrire en état d'apesanteur, sans avoir à développer des usines à gaz pour développer un stylo comme ça, quoi. Et autre chose à propos du lac, c'est pour un peu donner la philosophie de ce voyage. On s'est mis le soir à se faire de la lecture, en fait. On a appelé ça le club de lecture. Donc on allumait, on éteignait nos frontales, et puis on se faisait un petit jingle. Club de lecture. Et on sortait un livre, je sais plus qui l'avait amené, je dirais que c'est Maxime qui avait amené ça, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et un livre ultra connu, mais qu'on n'avait pas forcément lu, ou juste étant gamin, quoi. Et on s'est mis à se lire Le Petit Prince tous les soirs, on se lisait 2-3 chapitres. Et ça nous mettait une ambiance trop belle, parce que Le Petit Prince, ça représentait un peu notre philosophie, c'est de l'insouciance et de la découverte, et l'envie d'aller voir plus loin. Et du coup, ouais, on a redécouvert Le Petit Prince, mais... Qu'est-ce que c'était ? C'était bon, quoi. Tous les soirs, on attendait que ça. On finit de manger, on mange un bout de chocolat et on lance le club de lecture, quoi. On veut savoir ce qui va arriver au Petit Prince, est-ce qu'il va apprivoiser le renard et tout. C'était trop chouette. Ça, on l'a fait pendant tout le voyage, quoi. C'était trop bien. Bah là, on était déjà une semaine de voyage et on n'en avait que deux. On se disait, sans y croire vraiment, parce qu'on connaissait pas le stop, on se disait, on va essayer d'aller voir l'océan. Et on voulait aussi retourner en France, parce qu'on avait un train à prendre pour rentrer après, quoi. Donc on a commencé à faire demi-tour, aller retourner vers l'ouest. Donc on est arrivé à Roncesvalles, on a mangé un sandwich, et puis on a continué à retraverser la frontière dans l'autre sens. On a pris le GR10, et ce GR nous a ramené en France vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais on voulait pas, en même temps, on voulait pas revenir sur nos pas, on voulait pas repasser à Saint-Jean-Pied-de-Port, on voulait couper, parce que on n'avait pas vraiment envie de faire une boucle, quoi. On avait envie que ça soit linéaire. Juste avant Saint-Jean, on a commencé le stop, et là c'était une vraie aventure de stop, où au début on faisait du stop à 4 avec nos gros sacs, donc bah forcément, plus avec nos gueules de manouches un peu, qui ont vécu dans les bois, là, et que ça pue la fumée et tout. On se faisait pas prendre, du coup on attendait des heures, et puis après on a quand même compris, on s'est mis deux et deux, et on avançait comme ça. Et au cours d'un voyage en stop, il y a quelqu'un qui nous parle, dans 2 jours, il y a une fête à Askin. On ne savait pas ce que c'était Askin, c'était une toute petite ville, pas loin de Saint-Jean-de-Luz. Et du coup, on s'est dit, on va aller à Askin faire la fête, quoi. Et du coup, on a fait en sorte d'y arriver pour la fête, et là, on a découvert toute l'ambiance basque avec des chants basques, du ska, des patcharanes. Et on a fait une soirée comme rarement j'en ai fait, où à se mettre vraiment à l'envers, à boire plus que de raison, Et c'était génial parce qu'en même temps, on faisait la fête. On a eu le droit au feu d'artifice, au concert. C'était vraiment la grande fête au village, comme on les aime. Et ce qu'on aimait par-dessus tout, en plus, c'est qu'on savait même pas où on dormait. Quand on n'en pouvait plus, quand on avait vraiment trop bu, on a commencé à reprendre le chemin avec nos sacs à dos. On a pris notre bâche, on l'a étendue dans un pré. Et on s'est écroulé là, hein, le mot s'est écroulé. Hein. Moi, je me rappelle même pas être arrivé jusque là-bas. Puis au réveil à 9h, on se réveille nez à nez avec des vaches. Et au début, ça fait peur. Et puis après, on sait qu'une vache, c'est pas méchant, mais quand il y a 5 vaches qui te regardent, que t'es couché par terre devant elles, au début, ça fait bizarre, quoi. Puis tu te rappelles même pas de ce que t'as fait la veille. Donc c'était vraiment très bizarre comme ambiance, et ça nous a beaucoup fait rire sur l'après. On a vite remballé tout ça, et on est reparti direction Saint-Jean-de-Luz et l'océan. On s'est remis en quête de stop, et on s'est dit, bah, l'océan est à 10 km, on va y arriver, quoi. On va y arriver en stop. Et on a commencé à lever le pouce et tout, et ce qui est marrant quand on faisait du stop, c'est que à chaque fois, je crois que c'est Léo qui raconte ça, à chaque fois quand on monte dans la voiture, les 4 vitres sont fermées, et à peine on ferme les portières, qu'on commence à rouler, hop, les 4 vitres se baissent, parce que vraiment ça sent le renard, quoi, c'est horrible. Nous on se rend pas compte, on était que tous les 4 tout le temps, on se rendait pas compte, mais pour les gens dans un petit espace fermé comme une voiture, ça devait être assez compliqué à supporter. Donc ouais, les gens qui prennent des autostoppeurs, c'est vraiment les meilleurs, quoi. Et du coup, on a pris un dernier stop, je crois, on était tous les 4 en van. Et on est arrivé à Saint-Jean-de-Luz. On connaissait pas du tout Saint-Jean-de-Luz, mais Saint-Jean-de-Luz, c'est une énorme ville de touristes, une ville de, comment on dit, une ville balnéaire, je sais pas comment on dit. Et énormément de touristes, on arrive en pleine ville, sur la plage principale. On se baigne quand même, mais il manque un truc, quoi. C'est pas ce qu'on cherche, ça fait plaisir d'être arrivé à l'océan, mais c'est pas ça qu'on veut. On va aller là où c'est plus sauvage, on va remonter dans le nord, plus dans les Landes, et on prend un train qui nous emmène à La Benne. Et du coup on va à La Benne, on atteint l'océan, et cette fois il y a une vraie arrivée, parce que de la gare jusqu'à l'océan il y a peut-être 5 km, mais on les fait à pied et on la mérite, quoi. On l'attend l'océan, on le voit arriver petit à petit, en plus on a le coucher de soleil, c'est juste parfait. Et là, ouais, c'est énormément de frissons, quoi. Tu te dis, waouh, on est capable de passer des sommets et d'arriver jusqu'à l'océan en étant tout seul et en trimballant de quoi dormir et manger. Ouais, on se sent très grand. Hein. Ça peut paraître un peu ridicule parce que il n'y a aucun exploit dans ce voyage. Hein. On n'est pas allé loin, on s'est pas mis en danger, un petit peu, mais... On a juste fait un petit tour dans les montagnes et on est allé à l'océan, mais pour nous c'était tout, quoi, parce que on connaissait juste les vacances en tant que touriste, et là on était les rois du monde, quoi. On était arrivés à l'océan à pied. C'était très beau. On est arrivé, on est allé se baigner, on a posé les affaires, on s'est dit ça y est, les sacs à dos ils vont plus faire mal aux épaules, on les laisse là. On met la bâche, on met les duvets, et puis on est bien ici, et puis on est allé se tremper, on a couru dans l'eau comme des gamins. On s'amusait à se rouler dans le sable, à faire des panées, à se frotter dans le sable, à rigoler. Et on a passé la nuit là, une première nuit. On se réveille au matin, c'était magnifique. Couché avec le soleil, on se lève avec le soleil. Du coup on se lève tôt, et très vite il fait chaud, parce que sur les plages de l'océan, il n'y a pas un coin d'ombre, quoi, c'est que des dunes et du sable. Et du coup, ça commence très vite à taper, et puis très vite, il y a une foule de gens qui arrivent et qui viennent s'installer à 100 mètres de nous. Et ouais, ça nous dérange, quoi. Toujours pareil, on veut pas voir du monde, quoi. On veut être loin. Bon, bah, comme vous le constatez, il y a un peu de monde sur la plage et ça nous dérange un peu, on n'est pas très tranquille. Du coup là on va replier le camp et on va essayer de se diriger bien plus loin sur la côte pour trouver une plage bien tranquille, poser et faire un campement digne de ce nom. C'est pas contre les gens je les aime bien. C'est le phénomène touriste, l'été, la plage, ça j'aime pas. coup, on reprend les sacs et on se refait 1 km vers le nord, mais un endroit où il n'y a personne, quoi. Où il y a 3 nudistes qui se courent après sur la plage, mais il n'y a quasi plus personne, et là on est bien, quoi. Et du coup, on se pose là, et là on reprend un peu comme à Irabia, au lac d'Irabia, on reprend le temps de souffler et de se reposer et de pouvoir faire des choses qu'on n'imaginait pas vraiment, en fait. Quand on est dans notre quotidien, dans nos études, dans les villes, que ce soit à Lyon ou à Paris, quand on se repose, en fait, on regarde des séries à la télé. Mais là, on est sur la plage, on n'a pas de distraction, à part nous quatre, un ballon de foot et c'est tout, quoi. Donc on commence à écrire, quoi. Et c'est un peu là aussi que moi j'ai commencé à écrire. C'est en voyage, parce qu'on a vraiment le temps, on est sur la plage, on avait envie de raconter notre histoire. On s'est mis à écrire une chanson, on était vraiment bien, quoi. On écrivait tout ce qui nous était arrivé, on mettait des mots sur ce qu'on ressentait, et c'est une chose que j'avais jamais faite avant, ou très peu. On était vraiment fraternel, on était un groupe vraiment soudé, et on était... Et en même temps, on se laissait libre à cette méditation, on la faisait chacun de notre côté, et sans s'interrompre. Et c'était vraiment chouette, parce que on était à la fois entouré et à la fois un peu seul avec soi-même. Et c'était vraiment très agréable, ces 2-3 jours qu'on a passé là sur cette plage, à juste se nourrir, à faire quelques allers-retours pour l'eau dans la ville. Et juste après, ouais, on prend le temps... On se repose, on regarde les vagues et on écrit, on se repose, quoi. C'était vraiment le top, quoi. Il y avait malheureusement une date limite, mais heureusement on a pu retrouver Patrick, parce que Patrick habitait peut-être à 10 km au-dessus de la Benne, et du coup on a pu refaire une petite session de stop, et Patrick nous a invités à l'apéro. On a pu prendre une douche, quoi. Parce que ça commençait vraiment à coller, et du coup on a pu se laver, prendre l'apéro et rigoler, trinquer toute la nuit avec Patrick et ses amis, et c'était vraiment une super fin pour ce voyage, parce qu'après on s'est levé le lendemain à 6h30 et rebelote la gare direction Bordeaux, et puis un train qui traverse toute la France jusqu'à Rouen, et là, ouais, là le sourire, il était parti. Mais avant de monter dans ce train, on a aussi pris le temps de débriefer tout ça. C'est devenu un peu une tradition, c'est de dire un mot du voyage, quoi. Le mot qui symbolise un peu le voyage. Et ouais, il y en a 1000 qui viennent des mots à ce moment-là, mais celui que j'ai dit, et celui que Rob Maxime a dit aussi, c'est fiabilité. Parce qu'on était fiers de nous, quoi. On était fiers d'avoir su faire un feu, d'avoir su mettre des hamacs, de pas tomber du hamac, et de dormir bien, de manger bien, et d'aller en montagne, de traverser la montagne, traverser les frontières, redescendre, faire du stop, aller à l'océan. On était fiables, quoi. On est fiables, on se sentait capable de faire des choses par nous-mêmes, quoi. C'était peut-être la première fois qu'on avait ce genre de sentiment. Et ouais, on a fini comme ça, en citant tous des belles phrases sur une serviette qu'on a laissée au serveur, en se disant que ça serait pas perdu, quoi. Et on a repris le train, ouais. C'était un peu dur, mais on s'est dit qu'on repartirait très vite, et effectivement, on est reparti très vite. À ce moment-là, quand je suis rentré de ce voyage dans le Pays Basque, l'étape d'après, c'était de partir en Australie. Je suis parti en octobre de la même année en Australie. Et c'était vraiment dans la continuité, quoi. Là, c'était encore un autre niveau, parce que là, vraiment, on plongeait dans l'inconnu. Et là, on partait pour un an. On partait avec le visa vacances-travail. Et pendant tout ce voyage en Australie, je me suis mis à écrire, du coup, vachement. J'ai écrit tout un carnet de tout ce que j'ai pu faire là-bas. Et dès le départ, j'ai voulu le raconter à Max, à Greg et Léo, parce que c'était mes frères de voyage, quoi. C'est à eux que je voulais raconter l'Australie. Ils auraient, Ils auraient tout donné pour être avec moi et j'aurais tout donné pour qu'ils soient avec moi. Donc je voulais leur raconter au travers de ces écrits. Et c'était vraiment fort en symbolique du coup ce voyage. Parce que quand je suis rentré d'Australie, j'avais qu'une hâte, c'était qu'on reparte ensemble quoi. Du coup ce voyage dans le Pays Basque, c'était il y a 8 ans. En 8 ans on a fait plein de voyages, on a continué de voyager, on continue de se faire des nuits en bivouac dès qu'on a le temps. Mais malheureusement avec le temps on a quand même moins disponible et on a quand même un travail, on a quand même un loyer à payer et d'autres projets avec nos femmes et avec des enfants maintenant aussi. Mais en même temps, on repense toujours, on a toujours les vidéos, on y repense et on a toujours envie de ça. Et du coup, l'autre jour, on en parlait et Léo, il me dit, Léo ou Maxime, je sais plus, il me dit, bah ça fait 10 ans qu'on est parti dans le Jura au bord du lac de Voulan. Et ouais, bah du coup, l'année prochaine, on se cale tous une semaine, on repart tous les quatre comme il y a 10 ans sur les bords du lac de Voulan et on va juste kiffer quoi. J'espère que ça va vraiment être grandiose et que ça va être un peu comme dans nos souvenirs quoi. Cette plage où on est resté 3 jours à regarder le lac, c'était des super moments. Il y a eu avant et après le Pays Basque quoi. Donc 10 ans après, c'est très symbolique quoi. Faire un peu le bilan. Merci à Étienne de nous avoir partagé son expérience de la nature et de la liberté. Étienne voulait vous parler de la chanson Festival, de la bande originale du film 127 heures. Est-ce que je dois réellement présenter ce film ? Allez, brièvement. Le réalisateur Danny Boyle retrace l'histoire vraie d'Aaron Ralston, interprété par James Franco, un alpiniste de 27 ans qui, lors d'une randonnée en 2003 dans le Blue John Canyon, dans l'Utah, se retrouve le bras coincé entre le canyon et un rocher. Au bout de plusieurs jours de désespoir et de survie, le seul moyen de sauver sa peau sera de s'amputer le bras lui-même. La chanson dont parle Étienne est signée par le groupe islandais originaire de Reykjavik, Sigur Rós, dont de nombreuses chansons ont été utilisées dans le cinéma. Étienne vous recommande également le recueil de nouvelles de Sylvain Tesson, appelé « Une vie à coucher dehors ». Sylvain Tesson est un écrivain voyageur. À 20 ans, il commence les expéditions parfois extrêmes, qu'il rapporte dans des livres, des publications de magazines et des documentaires. Le recueil que vous recommande Étienne contient 15 petites nouvelles, aux fins souvent peu heureuses, qui confrontent le côté noir des hommes et les dérives de notre société à la toute-puissance de la nature. Que ce soit dans les phares d'Écosse, dans les montagnes géorgiennes ou les îlots du Pacifique, l'auteur place l'homme face à lui-même et s'interroge sur la place du bonheur dans le monde moderne. Enfin, vous vous en doutez, Étienne vous recommande également de lire ou relire Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a déjà été présenté dans Feu de camp et restera toujours une valeur sûre à glisser dans vos sacs. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Encore une fois, merci à Étienne pour son récit plein d'émotions et d'humanité. J'espère que son histoire vous a plu et à bientôt pour un nouveau Feu de camp.